me laver pour changer mes pensées. Pourrait-il être toi, pour ne plus être entre moi, sur la vague du bonheur, surfer vers le cœur, je dessine ma beauté, je voudrais m'attarder, pulvériser les domaines et les dieux, pulvériser comme on sait, comme à l'accoutumée. Profit que l'on sait ne redresse jamais. Les raisons qui nous poussent sont bien tristes à pleurer. Les conventions qui nous brisent la vie jusqu'à tomber. Conventions qui voudraient énorme, mais si personne n'en veut, pourquoi la guerre? Se laisse toucher sur un pied, beauté orgueilleuse, mais moins forme farouche qui tu avances, pas danse. Je peux plus dormir, je peux plus dormir, mais tant que tu es dans mes rêves, alors je dors grâce à toi. Je suis celle un continent allié par le vent, assis sur un continent qui court vers le néant, assis sur un continent abîmé par le temps, assis sur un continent assoiffé par l'argent, assis sur un continent qui n'a plus de dérive. Les humains balayés comme les fourmis par la pluie, réfugiés quand la terre gronde, quand le monde a mal, qu'à trop subir les effets de ces êtres, qu'à trop les avoir aimés, faut aujourd'hui haïr ces pauvres êtres à la dérive, cherchant un monde parfait, l'ont perdu à jamais. Qu'il y a trop d'orgueil, ne sait plus s'arrêter, qui a tué toutes les richesses du monde, qui la seule qu'il avait, ouais, l'amour, qui n'a pas su garder, ouais, l'amour, le savoir aimer, à pardonner. Pour recommencer, le parti en fumée, qu'importe ces êtres si sont décimés, n'importe leur souffrance, s'ils n'existeront plus jamais. Ces choses que tu avais mis tant à bâtir, tu pensais tenir dans 10 millions d'années, n'existeront plus ces murs bâtis de ton sang. Tout reviendra à la terre, la roche du sable mort. Peux-tu penser à ces moments passés là? Je suis assis sur un continent balayé par le temps, assis sur un continent qui court vers le néant, assis sur un continent balayé par le temps, abîmé par le temps, assoiffé par l'argent, qui n'a plus de détergent. Tu m'as sorti du noir pour mieux m'y refermer, tu m'as donné l'espoir. Pour mieux me briser, tu m'as dit, sans me voir, qu'il valait mieux couper. Je pense me devoir, et toutes ces années volées. Vois une fière raison, vois l'argent contaminé, les armes qui font le guet. Les banques, les armées, les capitaux et les politiques accouplées. Il y a besoin gagner une raison, sera la religion, les manigances et les autres petits gens doivent bien tristiller, ne peuvent que suivre pour avancer. Tiens, tu vois, il faudra l'éliminer, vois, tu y pour avancer. Jusqu'où irons-nous pour y arriver? Jusqu'où pense-t-on aller dans la cruauté? Jusqu'où être surveillé? Jusqu'à quand mentir pour exister? Oh oh oh. Est-ce qu'un jour tu voudras me revoir? Est-ce qu'un jour pourras-tu me parler? Est-ce qu'on fond, on est tous les huit passagères, mais vivrait humain, troupeau inutile. Je suis assis sur un continent balayé par le vent. Je suis assis sur un continent qui court vers le néant. Assis sur un continent abîmé par le temps. Assis sur un continent assoiffé par l'argent. Je suis assis sur un continent balayé par le vent. Je suis assis sur un continent qui court vers le néant. Assis sur un continent abîmé par le temps. Assis sur un continent assoiffé par l'argent. Un continent à la dérive. Oh oh oh oh oh. Yeah. Là, je me réveille dans un long sommeil. Le brouillard autour de moi me fait perdre la tête. Les étoiles s'éteignent les unes après les autres. Bientôt je serai de nouveau seul comme avant, comme avant. Sans but, sans idée, sans savoir où ce chemin va me mener. J'attends, je perds mon temps. S'efface autour de moi, d'où je suis venu, tout ça n'existe plus. Le sentier derrière moi s'en est allé. J'arrive à une ligne dont je redoute à franchir. J'ai peur de découvrir, de me découvrir, enfin de sauter. Oh, quelle bonté! Devrais-je m'en écarter du sentier que j'avais réussi à tracer dans ce roncier qui me mènera à l'eau, à la sérénité qui a le seul pensée du bonheur pourrait donc me tuer. J'en ai le prix pour ne plus voir ces momies. Quel en est le prix pour enfin être devant un cœur qui bat, pour enfin être celui que je ne suis pas, pour enfin rejoindre d'autres morts, d'autres moi, d'autres des millions comme toi. Quelle distance à ton âme, quelle place occupe-t-elle? Est-ce que je suis dans le bon sens? Est-ce que ces cartes ont la bonne distance? À quoi on sert dans l'univers? Est-ce que tu vois vraiment ce qui est devant toi, les yeux ouverts? Posez vos doutes. Posez vos langues. Posez le reste de vos idées. Posez les virgules. Posez le moindre pied niqué. genoux, se sentir grandir, pour enfin toucher sa montée. J'irai dormir plus loin, oui, demain. Il a pris possession des âmes à la dérive, pour en faire des esprits tourmentés. Plus rien n'y fait, ni l'eau bénite, ni même une parole sacrée, peut-être qu'une balle en or ou en argent pourrait rendre à ses yeux un éclat de vérité, ou bien alors le geste de bonté qui sur la balance peut faire tout basculer. Et à longtemps que ses pleurs ne sont plus écoutés, prenez les portes de sortie montées dans le sas, dans l'astronef qui t'est là, me voilà que t'es. Et encore rien découvert. Est-ce que ce n'est pas un peu tôt pour partir? Est-ce que ta vie est à découvert? Est-ce que tout le reste peut attendre? Quand je te vois, je ne sais plus. Quand je te vois, je suis perdu. Quand tu es là, plus rien n'a d'importance. Quand tu es là, le monde tourne vers l'imprudence. Et puis après, est-ce que l'on fait? La révélation des flux inexorablement entraîne à changer d'apparence, à naviguer de corps en corps, souscrire à des charges plus lourdes du monde. Le monde est le contraire, estampillé les bonheurs que l'on se regarde, les intrigues que parfois il regarde, il ne se prête jamais, secouer ses attentes, brasser dans le fond, faites venir, insouciant de leur sort. Prenez leurs amants par les cœurs, René, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh